franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Cathy D. Jacques Chancel. L'évolution des mœurs est telle que ce que vous êtes devenu n'est plus du domaine honteux, Cathy D. Il s'agit plutôt d'un phénomène, et qu'on le veuille ou non, ce phénomène est humain. Alors parlons clair. Cathy D., vous étiez un homme, vous voilà devenu femme. Et nous sommes bien obligés de penser et même de parler au féminin. Alors la première question qui se pose à moi, y pensez-vous aussi ? Oui, j'y pense, bien entendu. C'est une chose difficile ? C'est une chose difficile, non pas pour moi, mais parce qu'on ne manque pas de me rappeler mes origines. C'est une chose très courante dans la société actuelle, et dans plus d'une situation, je me retrouve devant cette vérité génétique. Je suis un homme, au départ. De l'homme que vous étiez, que reste-t-il ? Eh bien, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste même plus ce qui fait la virilité. Il ne reste même plus une velléité de me comporter en tant qu'homme. Il ne reste au fond que ce que autrui m'accorde comme virilité et comme masculinité. Reste-t-il toutefois une nostalgie ? Aucune, non. Je disais tout à l'heure, en commençant cet entretien, c'est-à-dire il y a quelques secondes, que ce phénomène n'était plus du domaine honteux. Mais vous en souffrez quand même, parce que vous entendez les phrases, on vous regarde du doigt et on dit... Ma foi, c'est, je parviens à comprendre les réactions, parce qu'au fond, notre grand problème, c'est de ne pas pouvoir arriver à correspondre exactement à l'image de la femme génétique. Là, nous n'avons pas à nous en cacher, nous ne serons jamais femmes 100%. Vous êtes un cas, vous êtes un phénomène et vous êtes une souffrance. Oui, une souffrance perpétuelle, en fait. Il fallait choisir entre deux souffrances, celle de mater et de parvenir à garder et à rester dans la voie masculine, c'est-à-dire à ne rien changer à ce que j'étais. Là, c'était souffrir d'une façon atroce. Et maintenant, changer, accepter ce changement et s'en faire une idée, c'est également avoir affaire à ce moment-là à la société qui, elle, ne se prive pas de nous rappeler, comme je vous le disais à l'instant, ce que nous sommes. Il y a quelques années, vous vous appeliez Jean-Marie, vous étiez libraire à Liège, vous étiez un homme, et vous n'étiez pas heureux. Je n'étais pas heureux, non. Mais cette situation, à quel moment l'avez-vous devinée ? Eh bien, je l'ai pressenti. Parce qu'on pressent la vérité. Oui, on pressent la vérité, bien entendu. D'abord, est-ce une vérité ? C'est ma vérité. Cette évolution s'est faite depuis ma tendre enfance. Le tout était de se rendre compte dans quel stade je me trouvais, et également de me rendre compte de la vérité, enfin de cette vérité, si je n'étais pas occupé à me tromper. À quel moment avez-vous compris que vous étiez fait pour plutôt devenir une dame ? C'est-à-dire, vous aviez une âme de femme dans un corps d'homme. C'est ça, mais il m'a fallu très longtemps pour le comprendre, et en tout cas pour l'admettre, parce qu'au fond, j'ai lutté. J'ai lutté pendant près de 30 ans. J'aurais pu me rendre compte beaucoup plus rapidement, mais je ne voulais absolument pas. Ayant été élevé dans une famille qui était très catholique, avec des principes très établis, il s'agissait pour moi de faire ma vie. Et j'ai tenté de le faire. De plus, je me rendais bien compte qu'en me laissant aller à mes penchants, disons, c'est ce qu'on appelait, enfin, on qualifiait ça de penchant, je ne pouvais que perdre ma situation, situation que j'avais créée de toutes pièces, c'est-à-dire mon métier et peut-être la sympathie de tous mes amis. Alors là, j'ai hésité pendant très longtemps. Et ça a été un combat perpétuel contre moi-même, jusqu'au moment où alors, la rédaction d'un ouvrage, c'est-à-dire le fait de jeter mes idées sur papier... Vous aviez besoin de raconter. J'avais besoin de me raconter, avant tout, et de faire le point, et de savoir si oui ou non j'étais dans l'erreur. Parce que bien, c'est très bien d'avoir une idée, c'est très bien d'avoir toute une enfance qui vous fait penser, lorsque vous avez 30 ans, vous dites bien, j'ai toujours eu cette impression de vouloir me rapprocher du sexe féminin, mais ce n'était pas... l'évidence n'était pas là, toute prête. Il fallait tout d'abord que je me voie et que je me rende compte à quel point j'étais atteint, disons. Mais les parents, vous comprenez ? Les parents avaient deviné quelque chose ? Non, mes parents n'ont jamais rien deviné, je pense. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils n'ont pas voulu comprendre, et disons qu'à l'heure actuelle, ils ont compris. Mais là, il a fallu d'autres choses. Ils vous ont rejeté à l'heure actuelle ? Absolument pas, non. Non. Enfin, vous aviez vite compris que vous aviez eu une âme de femme, comme on le disait il y a un instant, dans un corps d'homme. Mais vous auriez pu vous porter, à ce moment-là, du côté de l'homosexualité. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, non. De toute façon, je ne pense même pas qu'on puisse employer le terme de suffisant. Je pense qu'il y a, entre l'homosexualité et le transsexualisme, un fossé infranchissable. En ce sens que nous... Nous, êtes-vous nombreux ? Oui, nous sommes de toute façon très nombreux. Je pense que nous sommes beaucoup plus nombreux... Vous dites nombreux ou nombreuses ? Oui, nombreux, nombreuses, oui, ce serait le terme beaucoup plus exact. Il est probable que beaucoup de gens souffrent du même problème sans oser se l'avouer, sans oser le pratiquer, parce qu'il s'agit d'une rupture dans la vie. Il est un fait qu'un fonctionnaire ne peut pas se permettre ce genre de choses, ne peut pas se permettre de s'affirmer. Mais pour en revenir à l'homosexualité, il est un fait évident, c'est que, à mon sens, n'étant pas homosexuel, j'ai difficile d'en juger, mais l'homosexuel, que recherche-t-il ? Il recherche la compagnie de quelqu'un de son propre sexe. Quant à moi, je me sens toujours attiré par la féminité. Et je dois avouer que lorsque je rencontre une jolie femme en rue, eh bien, je la regarde. Mais non pas avec les yeux d'un homme, mais je la détaille parce que j'estime que qu'elle a quelque chose à m'apprendre et que je... C'est-à-dire qu'elle est mon modèle. Vous voudriez lui ressembler. Je voudrais lui ressembler. Ce n'est plus une question de sexe. Ce n'est plus une question de sexe. Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans votre vie. C'est que vous vous êtes marié sachant ce que vous étiez. Lorsque vous êtes marié, vous saviez déjà que vous aviez cette âme de femme dans ce corps d'homme. Absolument, je le savais. Alors pourquoi tenter l'expérience ? C'était un jeu ? C'était pour aller jusqu'au bout ? C'était pour aller jusqu'au bout, pour tenter de me guérir. Peut-être qu'une femme arriverait, par sa compréhension, à me faire oublier, et en tout cas la proximité d'une femme, je l'espérais en tout cas, parviendrait à effacer cette volonté que j'avais de ressembler à une femme. Mais, ma foi, ça n'a donné aucun résultat probant. Vous aimeriez avoir des enfants ? Non. Est-ce qu'il n'y a pas, en plus de tout le reste, un grand égoïsme et un grand désarroi ? Vous parliez de détresse tout à l'heure. Il y a probablement un grand égoïsme, et là vous rejoignez très bien la... Vous rejoignez les constatations qu'ont fait certains psychanalystes. Ils prétendent que le transsexualisme n'est au fond qu'une inflation du moi. Un moi qui envahit toute la personnalité et qui fait que tous les êtres extérieurs sont ramenés à l'individu. Et je pense que lorsque je regarde une jolie femme et que je l'envie, c'est une envie qui me saisit. Et là, il est un fait, c'est que... Vous n'êtes occupé que de vous. Je ne suis occupé que de moi. C'est un peu triste, parce qu'on finit par être très seul. On est très seul, de toute façon. Et je sais d'avance que ma vie sera une vie de solitude. Et je pense que le départ de ma sœur, par exemple, alors que j'avais 5 ans, a été un point capital. Lorsque ma sœur, qui était beaucoup plus âgée que moi-même, a quitté le foyer, elle est devenue le parangon de toutes les vertus. Elle étudiait bien et moi j'étudiais mal. Elle se comportait bien vis-à-vis de nos parents, tandis que moi-même, je n'étais qu'un petit voyou. Pour ma mère, en tout cas, elle était devenue l'être qui n'était plus là et qui bénéficiait à ce moment-là de l'aura de l'idéal. C'était devenu un être mythique. Alors elle me proposait cette personne en exemple. C'était une personne de sexe féminin. Je n'avais qu'une chose à faire, c'était de me dire, tiens, les filles sont beaucoup plus valables que moi. Et les filles ont toutes les qualités, et moi, garçon, j'ai tous les défauts. Donc à 5 ans déjà, vous vouliez devenir une fille. Absolument. Ça prend ses racines dans la plus tendre enfance. Vous êtes là devant moi, Cathy Di. Je vous appelle Cathy Di alors que vous appeliez autrefois Jean-Marie. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi vous avez pris ce nom. Cathy Di, c'est un nom de cinéma, un nom de musical. C'est ça. C'est peut-être pour rappeler vos dépassements à Hambourg. Oui. Bon, vous êtes là devant moi, vous avez un chemisier à fleurs, vous avez un tailleur bleu, vous êtes blonde. Alors tout cela est à vous. Ces cheveux sont à vous? Non. Je dois avouer qu'il ne... Alors déjà, vous ne trichez pas avec ce que vous êtes, mais vous trichez avec tous les attributs. Mais je... non. Parce que... Pourquoi une Non, je vous pose la question. Une femme a une richtige Frau, comme on dit à Hambourg, puisque nous venons d'en parler, c'est-à-dire une femme véritable, emploie également ses artifices. Oui, d'accord. Donc, pour ma part, me rangeant dans cette catégorie féminine, eh bien, j'emploie le même artifice. Et je ne pense d'ailleurs pas qu'on puisse appeler ça des artifices. Parce que, bien, lorsqu'un arbre, au printemps, se pare de ses bourgeons, puis de ses feuilles et de ses fleurs, on ne dit pas de l'arbre qu'il fait de l'artifice. Au contraire. Et puis, je ne pense pas non plus qu'on puisse dire qu'une femme qui tâche d'être jolie soit artificieuse ou artificielle. Mais lorsque vous vous regardez devant une glace, que se passe-t-il? Bien... Ce qui se passe, c'est que je me rends toujours compte de ce qu'il me reste à faire. Et là, c'est une épreuve terrible, la glace. Or, j'avoue que je me regarde très souvent dans une glace. Ça, c'est le côté narcissique de la situation. Problème. Mais de toute façon, ce que je ressens, c'est finalement une tristesse. C'est la tristesse de ne pas être et d'avoir tous ses défauts. Je remarque tous mes défauts. Et vous vous dites à ce moment-là, je ne suis pas une vraie femme. Et je me dis à ce moment-là, je ne suis pas une vraie femme. Oui. Lorsque vous étiez petit garçon, vous pensiez, puisque vous me l'avez dit, à 5 ans déjà, je voulais devenir une fille, vous pensiez donc déjà à vous maquiller. Vous êtes déjà maquillé. Oui, c'était quand même peut-être le... Oui, je faisais le premier combat à livrer. Je faisais des essais avec les poudres que je trouvais un peu partout, et tout ça en cachette, bien entendu, mais... J'ai fait toutes les expériences possibles dès cet âge. Enfin, après, il y a eu, longtemps après, piqûre aux hormones, naissance d'une poitrine, quelque chose d'anormal. Oui, quelque chose d'anormal et... Non, lorsque je dis d'anormal, c'est pas normal, c'est-à-dire contre nature par rapport à ce que vous étiez lorsque vous êtes venu sur cette terre. Bien, oui, faut s'entendre sur les mots. Faut s'entendre sur les mots. Oui, il y a eu l'emploi des hormones. C'était le premier stade. Et d'ailleurs, c'était le stade de vérité, j'estime, parce que avant d'avoir obtenu cette poitrine, il est quasiment impossible de se rendre compte si nous vivons un rêve ou si notre désir est vraiment une réalité. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous sommes obligés de revêtir un habit féminin, puisqu'il faut bien cacher cette poitrine. Et en tout cas, il faut bien la mettre alors en évidence. Parce ce que vous faites. Ce que je fais, oui. Oui, parce qu'il s'agit d'attributs qui sont féminins et que pour moi, je ne me pose plus la question de savoir. En tout cas, je sais que je ne ferai jamais plus machine arrière, donc il faut bien que je prenne le risque de déplaire ou de paraître ridicule ou peu importe ce qu'on pourra en penser. Bon, piqûre aux hormones, d'accord, naissance d'une poitrine, et c'est une naissance, mais pour que vous soyez tout à fait une femme, il fallait également une mutilation, et la mutilation est quand même désarmante. Elle fait mal à une nature, quelle qu'elle soit. Oui, elle fait mal à une nature quelle que soit. Elle fait mal, disons, d'un point de vue tout à fait physique, mais elle fait beaucoup de bien. D'un point de vue moral. D'un point de vue moral. D'ailleurs, c'est, disons, que chacune d'entre nous, tous les transsexuels que je connais, attendent ce moment avec la plus grande impatience. Il s'agit pour nous de du moment décisif où nous passerons de l'autre côté de la barrière. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Parce qu'en réalité... Vous ne passez pas de l'autre côté de la barrière. Nous ne passons pas de l'autre côté de la barrière et nous ne passons même pas d'un point de vue légal de l'autre côté de la barrière. Légalement, vous n'êtes pas une femme. Absolument pas. Alors, lorsque vous vous présentez, par exemple, à un poste de contrôle ou lorsque vous êtes arrêté par la police et on voit un nom d'homme, on voit sur votre carte d'identité Jean-Marie, vous êtes habillé en femme et vous dites « je suis une femme », ils comprennent, ceux qui vous arrêtent? Il arrive qu'ils comprennent, mais la plus souvent, ils ne comprennent. Le plus souvent, ils ne comprennent pas. Cependant, j'ai eu la chance d'obtenir une ajoute, c'est-à-dire que mon nouveau prénom y figure. Mais vous pensez qu'un jour, les hommes devenus femmes seront considérés comme tels? Mais il faudrait. Il faudrait. Pourquoi pas? Vous luttez pour cela? Je lutte pour cela, oui. Vous vous rencontrez? Oui. Nous avons... Je n'ai pas participé à la création de ce groupe de travail à Hambourg, mais j'en fais partie. Et nous luttons justement là-bas pour arriver à être reconnus par la police et par les autorités. Je sais que beaucoup de personnes s'imaginent que nous sommes au départ des gens tout à fait aberrants, sinon... Bizarre. Disons le mot, même vicieux. Bien. Je pense qu'un instant de réflexion suffit. Il n'y a pas très longtemps, je me suis présenté dans une firme pour me faire engager en tant que libraire. Eh bien, ce qu'on m'a dit tout de suite, c'est « Écoutez, chère madame, nous regrettons, mais nous ne pouvons pas vous mettre en contact avec la clientèle. » À partir de ce moment-là, c'était presque me refuser la place que je postulais. C'était, en somme, me rejeter sur le trottoir. Alors, tant que la société, je ne parle pas d'une société donnée, mais tant que les hommes n'accepteront pas de nous considérer en tant que personne capable de continuer à exercer un métier donné, eh bien, nous nous retrouverons forcément soit dans un bar, soit dans un spectacle, soit dans la rue. Admettons que vous n'ayez pas pu devenir ce que vous êtes. Vous étiez un garçon, vous aviez des idées très précises sur ce que vous vouliez, mais malheureusement, vous n'auriez pas pu avoir ces piqûres, avoir cette opération, vous ne pourriez pas être cette femme que vous voulez être aujourd'hui. Qu'auriez-vous fait de votre vie? Oh, de toute façon, elle aurait mal tourné. Je pense qu'il aurait s'agit à ce moment-là... Je n'avais le choix, en tout cas, à ce moment-là, je pense, qu'entre un suicide qui résolvait le problème immédiatement ou un suicide par l'alcool ou quelque chose dans ce goût-là, ou la drogue, ou une évasion quelconque. Cette voix que vous avez, est-elle un handicap ou essayez-vous de la corriger? Je ne sais pas. Avez-vous corrigé votre voix d'homme? Non, je n'ai pas corrigé ma voix d'homme. Vous avez voulu la corriger? J'ai tâché de la corriger, oui, j'ai fait quelques essais. Et finalement, ça m'a semblé tellement ridicule. Parce que si je pars du principe que, quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelque chose de transparent chez moi, on verra toujours que je ne suis pas ce que je tente d'être. Une femme. Une femme. Eh bien, à ce moment-là, pourquoi vouloir minauder? Pourquoi vouloir prendre des attitudes qui peuvent paraître alors détestables? Pour ma part, je trouve ça une parodie, à ce moment-là, de la féminité. Je préfère avoir une voix assez grave et qu'on se dise tout de suite, ah bon, tiens, Il s'agit de d'un transsexuel ou je sais pas, d'un travesti. On se moque de vous parfois ? Rarement. Rarement. Mais il y a deux questions qui peuvent se poser et que vous devez vous poser souvent. D'abord la première, puisque vous étiez un homme, Jean-Marie est-il vraiment mort ? Puis la deuxième, Jean-Marie a-t-il existé ? C'est entre ces deux pôles que se situe votre problème. Vous allez d'une berge à l'autre, mais vous restez au milieu du fleuve. Je reste au milieu du fleuve, oui. D'ailleurs, travelling, le titre de votre livre où vous vous racontez, c'est travelling. Mmh. Il y a un autre mot qui est beaucoup plus trivial, beaucoup plus difficile et que vous connaissez pour parler de vous. Mmh. Mais travelling, je crois, vient du mot anglais to travel, ce qui veut dire aller d'un endroit à un autre. Mais travelling, c'est difficile lorsqu'on veut se raconter, lorsqu'on le met sur la pochette d'un livre. Oui. On ne comprend pas très bien. On ne comprend pas. Vous auriez écrit « J'étais un homme ». Oui, mais... On a envie de vous suivre. Bien, pourquoi pas dans un voyage. Je pense qu'avant de faire du sensationnel, j'ai tout d'abord voulu C'est important. Me raconter. Oui. Vous comprendrez depuis le début que vous n'avez pas été inventé pour faire du sensationnel. C'est un cas, c'est un phénomène. C'est une aventure qui vous est arrivée. Oui. Oui, je ne veux pas verser dans le sensationnel. Donc je préférais un titre qui pouvait peut-être paraître hermétique ou pas très, très facile à comprendre, mais qui définissait très bien le voyage perpétuel qui est le nôtre. Autrefois, vous n'étiez pas heureux. Je dis heureux parce que vous appeliez Jean-Marie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas heureuse et vous appelez Cathy D. Et dans ce que vous racontez, il y a au bout de la route un suicide. Seriez-vous, dans votre état, condamné au suicide ? Je pense que oui, finalement. Si on veut s'assumer jusqu'au bout, ce n'est que là que s'arrête notre histoire. Nous sommes obligés d'y mettre fin à cette route. Et d'ailleurs, c'est un cas qui se retrouve très souvent. Dans un quartier comme celui de Saint-Paul et Hambourg, les suicides sont choses courantes parmi nous. Ça montre très bien que la voie que nous avons choisie est dure et qu'elle ne peut pas se résoudre matériellement. Que ni la chirurgie, ni aucune chimie quelconque ne pourra jamais nous donner ce que nous recherchons. Mais ce qu'il y a de plus grave, à mon sens, c'est que la société elle-même, et je reviens toujours à ce leitmotiv social, parce que notre problème est un problème social en définitive. Si nous avions une place donnée dans une société comme on l'avait dans certaines cultures primitives, il y a eu des chamans dans toutes les sociétés. Ces gens avaient une responsabilité cultuelle, s'occuper d'un culte quelconque. Ils avaient leur place à ce moment-là. Il est tout à fait naturel qu'ils aient trouvé un certain équilibre, puisqu'ils servaient à quelque chose. Mais se trouver un coin de rue n'est pas servir à quelque chose. Ce n'est pas servir à un idéal. Je ne vois pas ce que ça devient un automatisme et quelque chose qui vous mène alors à quoi des extrémités. Mais aujourd'hui, êtes-vous condamné à rester au coin d'une rue ? Oui, malgré tout. Malgré tout, mais... Parce qu'on ne vous permet pas de travailler. Parce qu'on ne me permet pas de travailler, non. Et si on me permet, c'est en m'enfermant dans un bureau au xème étage d'un bâtiment, à l'abri de tous les regards. Donc, pour la plupart des gens, vous êtes quelqu'un de honteux. Oui. Le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Oui. Donc l'évolution des mœurs n'est pas celle que vous attendiez. Non. Non, je pense que c'est une évolution. L'évolution des mœurs, on en parle beaucoup. Je pense que c'est une pseudo-évolution. Elle se traduit par des affiches, elle se traduit par toute une sexualité affichée et qu'on retrouve dans certaines chansons, un peu partout, mais qu'on ne pratique en tout cas pas, et qui n'est pas acceptée vraiment. C'est pour vous dire que, bien, on parle beaucoup de sexe, on parle beaucoup d'évolution, mais moi, je ne constate pas cette évolution. Si, il y a une évolution, c'est-à-dire que nous ne risquons plus la prison à l'heure actuelle, ce qui est déjà un grand point. Vous connaissez cette phrase de Paul Meurant, d'ailleurs je l'ai écrite pour vous la donner. Nous devrions, aux difformes, élever des autels pour qu'ils se sentent enfin nos égaux, sinon nos maîtres. Alors je ne veux pas dire que vous faites partie des difformes, mais ça y ressemble, d'après ce que vous me dites. Oui, bien entendu. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, oui. Oui, parce que celui ou celle qui refuse les catégories, les étiquettes, enfin, on peut appeler ça comme on veut, celui ou celle qui refuse de se cantonner à la place qu'on lui a assignée, doit nécessairement se retrouver dans l'esprit des gens comme un être difforme. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui, à Paris ou ailleurs en province, parfois s'habillent en femme pour se faire plaisir? Personnellement, non. Je dois dire que je connais très mal la situation française. Je viens souvent à Paris, mais ce ne sont que des voyages très rapides. Je n'en connais pas précisément, mais lorsque je lis toute cette littérature psychanalytique, je vois que ce sont des motifs qui reviennent très souvent. En fait, vous avez voulu rendre conforme à votre nature intime une apparence qui n'a jamais été acceptée. Oui. C'est en fait ce que j'ai tâché de faire. C'est dur de se battre contre... Et c'est dur de se battre tous les jours, en tout cas. Mais contre cela, surtout. Oui, mais... Nous sommes responsables de notre apparence. Nous sommes responsables de notre apparence, oui, mais je ne vois en tout cas pas ce qu'il y a. Bon, on pourra dire que j'ai des idées tout à fait aberrantes, je l'admets, mais je ne vois pas. À partir du moment où l'évolution, bon, une certaine évolution, admet qu'une femme porte le pantalon, il n'a pas fallu très longtemps pour que ce soit accepté, finalement. Pourquoi la femme peut-elle se permettre cette appropriation d'une partie de vêtements qui était tout à fait masculine? Il y a quand même une grande différence entre le vêtement et ce que vous êtes. Il y a une différence entre le vêtement, mais nous commençons par le vêtement, et c'est ça notre emblème, disons. C'est ça notre emblème. C'est un uniforme. Nous le disions tout à l'heure, donc vous étiez un homme et vous vous êtes marié. Oui. Alors votre femme réagissait de quelle manière avant le divorce? Bien, elle a réagi... Elle a compris tout de suite? Bon, non, elle n'a pas compris tout de suite. Donc vous pouvez tricher? Bien, j'ai tâché en tout cas de ne pas lui montrer trop rapidement ce que j'étais. Bien que nous avions discuté le problème de façon tout à fait théorique pendant nos fiançailles, je m'en rappelle fort bien. Finalement, lorsque je lui ai montré ce que j'étais, ça n'a fait que la révolter. Et je comprends très bien son attitude d'ailleurs. Puisque je m'appropriais d'elle-même. Elle était mon modèle, elle le voyait très bien. Nous parlions tout à l'heure de la glace. Lorsque vous vous regardez, vous obtenez de vous une image déformée. Oui. Oui, parce que vis-à-vis de mon idéal, c'est pas du tout ce que... Donc vous avez trahi votre idéal. Alors bien, vous êtes-vous un peu trahi vous-même? Je ne me suis pas trahi moi-même. Je n'ai fait que répondre à ce que je devais fatalement devenir. Mais vous le savez, je crois, vous ne pouvez pas sortir de votre cercle. Et vous le dites depuis le début. Oui, mais je ne peux pas sortir de mon cercle, mais ce n'est pas une raison pour moi d'abandonner quoi que ce soit. Êtes-vous heureuse en ce moment? Oui, je suis heureuse en ce moment. Malgré tous les problèmes et malgré toutes les difficultés. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de passer sur cette table d'opération, vous êtes posé des questions, vous êtes dit, aurais-je le courage d'aller jusqu'au bout? Dois-je le faire? J'avais déjà fait mon examen de conscience auparavant. Et ma foi, ça n'a plus posé tellement de problèmes. C'est un engrenage, vous savez, on y met le doigt et puis forcément on y met le doigt. On est ainsi fait, finalement. Et tout ça fait partie d'une nécessité. La réflexion est nécessaire à un certain niveau, un certain moment. Et puis après ça, il s'agit de foncer. Mais les médecins qui sacrifient à cette opération, ont-ils le droit d'opérer? Est-ce légal? En France, je ne pense pas que ce soit légal. mais certains pays, d'ailleurs en Allemagne pour l'instant, est occupé à faire des expériences, enfin une série de premières opérations, et je pense que dans quelques temps ça deviendra légal, mais jusqu'à présent ça n'est pas non plus. Ces médecins sont alors plutôt des complices. En un sens, oui. Oui, ils nous font plaisir et ils gagnent de l'argent. Bien. C'est dangereux pour vous ? Non. Non, parce que, bien, je pense que, et l'histoire nous a montré plus d'une fois, que si nous n'avions pas de pareil chirurgien, eh bien, quoi qu'il en soit, on procéderait parfois à une automutilation. Donc, pourquoi ne pas faire ça dans toutes les règles humanitaires et, il n'y a aucune raison de le refuser, finalement. Et admettons que vous changiez dans le courant de votre vie, que vous changiez d'idée, d'esprit, et qu'il vous arrive de vouloir redevenir un homme. Ne pouvez pas faire marche arrière. Ah non, absolument pas. Mais c'est une idée que j'exclus d'avance. Ça ne... C'est une... Non, je sais ce que c'est. Je sais même mieux que la plupart d'entre nous, puisque j'ai vécu une vie tout à fait courante, que je suis passé par le mariage. Je sais ce que c'est que d'être un homme marié. Je n'ai aucune envie de revenir jamais à ce stade-là. En tout cas, pas avec une femme et avec des enfants que je ne pourrais de toute façon plus avoir. Mais aux gens qui s'étonnent et aux gens qui peuvent se moquer, qu'avez-vous à répondre ? Que la nature vous a fait ainsi, mais qu'elle s'est trompée au départ ? Non. Non, je n'aime pas beaucoup cette façon d'aborder le problème. Je pense que ça apparaît tout de même un peu simpliste. Ce serait la même démarche que le criminel qui dirait bien « si j'ai tué, c'est parce que je suis né tueur » ou « violent ». Il n'y a pas de chromosome spécial ? Non. Alors, ma foi, pourquoi employer ce genre de choses ? Non. Je préfère dire qu'il s'agit d'une évolution à laquelle je ne pouvais pas échapper, ou si j'y échappais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était prendre un risque terrible pour moi-même. Alors, j'ai préféré y échapper. Échapper à la société, finalement, mais tout en me faisant plaisir à moi-même. Que de sacrifier ma vie pour autrui. Lorsque vous rencontrez d'anciens amis, car vous avez des amis d'enfance, ils vous appellent Jean-Marie, et ils vous considèrent comme un homme, ou ils appellent Cathy, et ils vous considèrent comme une femme. Eh bien, la plupart en sont arrivés à me considérer comme Cathy, et justement, je pense que c'est une qualité que l'amitié vous confère justement, cette possibilité de changer votre optique. Ils comprennent très bien, je pense, que ce que je veux devenir et ce que je suis. Et à ce moment-là, ils ont accepté. Je pense que c'est le propre de l'amitié d'accepter, justement, les aberrations d'autrui, si l'on veut. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que dans... ou plutôt pour la société, vous êtes des maudits ? Car vous savez, l'Espagne de Velázquez, par exemple, avait ses maudits, c'était les nains. Oui. Et elle les aimait. Elle les aimait. Aujourd'hui, là, ces maudits sont les travestis et une société les affectionne, mais en se méfiant, rejetant, car vous serez toujours rejeté. Oui, toujours rejeté, je ne sais pas. Non, je veux dire, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, oui. Peut-être bien, oui, c'est une question que je ne me suis pas posée, mais en fait, c'est fort possible. Nous représentons, en tout cas, probablement pour une certaine partie du public, ceux qui osent, ceux qui font quelque chose de différent, ceux qui font fi à certains tabous, qui, disons, s'octroient une liberté que la plupart des gens ne peuvent pas s'octroyer. Oui, mais je pense que vous n'êtes pas là, vous n'avez pas été inventé pour créer le scandale. C'est malgré non, vous, tout cela. Non, mais c'est malgré nous, mais... Non, il est important de le dire, parce qu'on pourrait oui, croire d'accord. que... Ce sont les personnes par qui le scandale arrive. Oui, mais les personnes par qui le scandale arrive, peut-être sommes-nous ces personnes-là parce qu'on veut nous voir de cette manière. Alors évidemment, il est un fait qu'il faut préciser, c'est que je n'ai personnellement rien de commun, me semble-t-il, avec le travesti de cabaret, qui me fascine en un certain sens. Mais je ne vois pas, moi, quel lien je peux avoir avec cette présentation d'une certaine féminité. Pour ma part, j'essaie de passer inaperçu. Ça, c'est... Je voudrais cet anonymat. Vous y arrivez ? Oh, je pense que j'y arrive assez bien, oui. Je réussis assez bien. Lorsqu'on vous regarde dans la rue, on vous regarde de quelle manière ? Et comme on sait ce que peuvent deviner les gens, vous lisez ? Oui, mais c'est très difficile à dire, parce qu'au fond, moi, j'ai souvent l'impression qu'il s'agit d'une... que les gens ont découvert. Et puis, alors, je m'en rends compte... que si ces personnes, ces hommes m'abordent, eh bien, ils me font des propositions qu'ils ne me feraient pas s'ils avaient découvert tout de suite. Donc, le regard d'autrui, nous existons par le regard d'autrui, mais il est très difficile de faire la part des choses, de savoir s'il s'agit d'un regard ironique. Bien entendu, certains ne font pas faute de montrer cette ironie et d'insister sur cette ironie, mais... Très souvent, je pense qu'il s'agit plutôt d'une façon, de notre façon de voir, qui est toujours la peur d'être découvert. Mais enfin, un homme qui vous aborde, c'est comme un échec, parce que l'homme qui vous aborde, c'est justement l'homme que vous n'avez pas voulu rester. Eh bien, non, pas nécessairement. Ça peut être aussi... ça peut signifier également que le travail n'est pas mal fait, et qu'il a cru, en toute sincérité, aborder une femme. À ce moment-là, il s'agit, pour ma part, en tout cas moi je le prends que de cette manière, pour moi il s'agit d'un hommage à ce que j'ai fait. En fait, votre lot sera quand même de choquer, et cela toujours. Oui, toujours, absolument. Mon lot sera de choquer, notre lot est de choquer. Et lorsque vous êtes toute seule le soir et que vous réfléchissez, peut-être... Le problème est insoluble. Mais le problème est insoluble, mais... Vous êtes entre la liberté et l'impasse. Oui, mais je me demande quelquefois si beaucoup de situations humaines ne sont pas de cette nature-là. Si quelqu'un qui travaille dans une administration quelconque et qui n'aime pas son travail se trouve lui également devant un choix qu'il voudrait faire, abandonner tout et se reconvertir, se recycler, faire autre chose. Or, la plupart ne le font pas. Je pense avoir cette consolation, moi, c'est de l'avoir fait, d'avoir abandonné ce que j'étais et d'être devenu ce que je voulais être, bien, dans une certaine mesure. À ce moment-là, ça me donne tout de même un peu d'optimisme. Et c'est là que je vais puiser l'énergie de continuer et le bonheur qui finalement est le mien. Parce que je ne puis pas imaginer un autre bonheur, c'est toujours en soi qu'on le trouve ce bonheur et ce n'est pas chez autrui qu'il faut aller le chercher. On en revient au grand égoïsme de la situation. Oui, absolument, oui, nous sommes des êtres tout à fait fermés. L'important c'est moi, l'important ce ne sont plus les autres. C'est ça, c'est ça. Mais on tourne en rond. On tourne en rond, mais j'attends qu'on me propose une solution pour en sortir. Enfin, dans votre récit, chez Belfond, Travelling, il y a cette phrase d'un des personnages, et c'est vous. As-tu pensé aux autres ? Les autres, c'est la société. Oui. Elle peut te rejeter comme un être bizarre ou malade. Alors, bizarre, on peut penser que vous l'êtes, et vous l'avez dit vous-même. Oui. Vous avez également employé le mot malade. Oui. Alors, faut-il vous considérer comme des malades ? Non, pas au sens psychiatrique du terme. Disons, nous n'avons rien, en tout cas, je ne pense pas. Et la science actuelle rejette cette possibilité que nous soyons des malades mentaux. Là, c'est hors de question. Je pense d'ailleurs avoir fourni moi-même une certaine preuve de mon équilibre mental. Je parviens encore à tenir ma place dans la société sans vivre dans mon petit monde intérieur. J'essaie tout de même de maintenir une certaine un certain contact avec autrui, ce contact m'est parfois refusé. Alors là, je suis obligé de revenir à ce que... à mon propre moi et à me renfermer en moi. Vous m'avez dit tout à l'heure, Cathy, que vos parents avaient compris. Mais ils ont compris parce que vous êtes leur fils, enfin. Ils ne peuvent pas comprendre que vous êtes leur fille. Non, je suis toujours leur fils. Ça ne n'en sortiront jamais. Ils vous appellent donc Jean-Marie. Absolument. Et il y a là un décalage. Il y a là un décalage, oui, mais ça, je dois l'admettre de la part de parents qui m'ont élevé, qui pourront difficilement, d'ailleurs, vu leur âge, me considérer autrement. Ce n'est pas 73 ans que l'on parvient à modifier son image du monde. Ça, je l'admets. Ça ne me fait pas nécessairement plaisir. Mais enfin, bien, ce sont mes parents, je leur dois le respect et je ne tente pas d'infléchir leurs idées. Êtes-vous comme les femmes? Cachez-vous votre âge? Et comme les hommes aussi. Beaucoup le cachent, la plupart d'ailleurs. Non, pas nécessairement. J'aime assez dire mon âge. C'est peut-être dû au fait que, je ne sais pas, très souvent, on me rajeunit. Et j'aime à dire non, vous faites erreur. Je suis plus âgé que vous ne le pensez. Parce qu'au fond, là, c'est un... Juste un peu plus de 30 ans. Juste un peu plus de 30 ans, oui. À quelques années près. C'est une coquetterie. Mais oui, parce que pas plus tard qu'hier, on me dit, tiens, que vous avez quoi, 23 ans vous? Et alors, parfois c'est très agréable, mais c'est aussi très agréable de surprendre autrui en disant, non, là, vous faites erreur. Mais n'est-ce pas vivre dangereusement que de vivre comme vous vivez en ce moment? Dangereusement, dangereusement, dans le plein sens du terme, car vous vivez vraiment en plein vent. Oui, je pense tout d'abord qu'il faut une certaine dose de philosophie. Bien. Je pense que chaque candidat au transsexualisme devrait en tout cas faire le point. Se voir très précisément et voir s'il est à même de subir des attaques continuelles, c'est-à-dire des attaques de l'extérieur. Alors là, c'est un danger, évidemment, parce que se lever au petit matin et se dire, bien, je vais encore subir toute une série d'échecs ou de brimades, ça donne à réfléchir. Mais maintenant, bon, il y a évidemment toute une série d'autres dangers qui sont alors physiques, le fait de travailler dans un quartier qui est très bien quadrillé par la police, je n'en y conviens pas, mais enfin, ça comporte des risques également. J'ai moi-même des problèmes, j'ai failli me retrouver dans les docks, en tant que cadavre, bien. Le danger réside partout. Mais vous le souhaitez peut-être, ce danger, parce qu'au départ déjà, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que vous auriez pu vous appeler Marie-Josée, Cécile, Anne-Marie... Ève, j'en passe, mais vous êtes appelée Cathy, et vous avez fait suivre ce prénom d'un nom dit, D, deux E. Oui. Cathy D, c'est déjà... Oui, mais ça, évidemment, bien, c'est commercial, et ma foi... Donc vous êtes entré dans le commerce. Je suis entré dans le commerce. Vous vous êtes inventé un monde, et c'est peut-être justement parce que vous souffrez trop. Oui, mais je me suis inventé un monde où là, nous n'étions plus... Si nous sommes victimes de brimades... D'accord, si le danger existe, je n'en disconviens pas, mais en tout cas, nous sommes dans ce monde, c'est un monde fermé où nous évoluons de façon tout à fait particulière et où nous nous retrouvons entre nous et à l'aise. Et ce monde vit du plus vieux commerce connu. Eh bien, à ce moment-là, il faut une étiquette et il faut un nom qui attire. Et vous êtes désespéré? Je suis désespéré, en tout cas, de penser que je devrais encore retourner dans ce monde et que ce monde, je devrais y vivre encore pendant de très nombreuses années. Je ne doute pas que mon succès, si succès il y a eu, s'arrêtera très rapidement. Parce que, bien... Et alors? Et alors ça, c'est le gros point d'interrogation. C'est la fin du livre? C'est la fin du livre, oui. C'est la mort ? Bah, oui, peut-être. Est-ce que ça méritait de vivre ? Oui, oui, parce que bon, c'est toujours une très belle expérience, la vie. Je n'en suis pas dégoûté pour la cause. Je vous dis d'ailleurs, j'avais le choix. Je pouvais lutter, je pouvais me démolir autrement. Je pouvais tout tenter. Je pouvais même rester ce que j'étais. Je pouvais même rester ce que j'étais. Vous voyez, nous avons parlé très simplement, très franchement, parce que je crois, je le disais en commençant cet entretien, que c'est un phénomène, que c'est un phénomène humain. Il ne faut pas se moquer, comme on le fait trop souvent. Lorsque surtout, on ressent les choses comme vous les ressentez, vous, et comme les ressentent ceux qui vous écoutent, puisque plus il y a plusieurs appels téléphoniques, des auditrices, même des mères de famille, une mère de trois enfants, qui vous disent toute leur amitié et leur respect pour votre courageux itinéraire. Car c'est un itinéraire quand même dangereux, mais qu'il faut assumer jusqu'au bout. Et puis le bout, on verra. On verra. On verra, parce que rien n'est fait dans la vie, et je pense que... Je vous dis, pour moi, l'important était d'assumer quelque chose. Peu importe, finalement, quelle en serait la fin, mais il faut se lancer soi-même dans sa propre nature et ne pas éviter les problèmes. Bien. Si problème il y a, il faut les assumer. Je pense qu'une mère de famille a aussi ses problèmes. Vous étiez un homme, vous appeliez Jean-Marie, vous êtes maintenant une femme. Légalement, vous n'êtes pas une femme. Non, légalement. Mais vous avez toute l'apparence d'une femme, et vous êtes là devant moi, blonde, avec de longs cheveux. Je voudrais savoir ce que vous pensez des hommes. Ce que je pense des hommes. Là, écoutez, pas beaucoup de bien, finalement. Sincèrement, ça je vous le dis, c'est le cri du cœur. Je pense que les problèmes, nos problèmes viennent justement de ce grand décalage qui existe entre la condition féminine et la condition de l'homme. Si une femme obtient un poste de responsabilité, si elle est obligée de, et si par ce poste elle est obligée de jouer un jeu qui est, et qu'on appelle encore couramment, un jeu d'homme. Elle commandera, elle aura un poste de responsabilité qui lui permettra de commander et de diriger. Bien, dans l'optique masculine, c'est une réévaluation de sa condition. Le fait de se trouver à ce moment-là, devant ses responsabilités, on estimera qu'elle a fait un pas vers la condition de l'homme. Et c'est ça qui est malheureux. On vous a bien compris, on vous a bien écouté. Travelling, c'est le titre de votre récit. C'est le fait d'aller d'un point à un autre. Vous êtes allé de la situation d'un homme à la situation d'une femme. Merci, Cathy. Merci. Je ne dis pas merci, Jean-Marie. J'ai déjà oublié. Merci beaucoup.